Combien tes demeures sont aimables, éternel des armées, mon âme soupire et languit après les parvis de l'éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu. Traversant la vallée de Bac, ils en font un lieu de source. Ils vont de force en force. Ils se présentent devant Dieu ancien. Mieux vaut un jour dans tes parvis.